Merci Manu Farine. Journée spéciale sur l'antenne de France Culture, à un peu plus d'un mois des élections européennes, et si tout se jouait maintenant ? Côté scientifique, il faut dire qu'il faut s'armer d'une loupe puissante à l'examen des différents programmes pour trouver mention d'une ambition en matière de recherche. À de rares exceptions près, si ambition scientifique il y a, c'est généralement pour investir dans la lutte contre le réchauffement climatique ou la recherche militaire. Et pourtant, à l'orée de l'an 2020, la France peut-elle se passer de l'échelle européenne pour maintenir son niveau scientifique international ? Pouvons-nous encore penser notre ambition scientifique à la seule échelle française ? La recherche française peut-elle se faire sans l'Europe ? C'est le programme politique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner ces enjeux de politique de la recherche à l'échelle européenne, nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Ursula Bassler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS et présidente du conseil du CERN. Jean-Pierre Bourguignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil européen de la recherche. Bonjour Jean Chambaz. Bonjour. Vous êtes président de Sorbonne Université et de la Ligue européenne des universités de recherche intensive. Et nous serons tout à l'heure en ligne avec Jean-Yves Le Gall, président du CNES et président du conseil de l'Agence spatiale européenne. Mais avant cela, comme tous les vendredis, elle incarne la vivacité de la recherche sans aucune frontière dans son journal des sciences. C'est Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le journal des sciences. Et on commence ce journal avec la création d'un prototype de cœur humain en impression 3D à partir de tissus d'origine humaine. Ce prototype est aussi gros qu'un cœur de lapin, mais pour la bioimpression, c'est une avancée majeure. La bioimpression, c'est comme une imprimante 3D classique, sauf qu'au lieu de mettre des cartouches d'encre, ce sont des tissus cellulaires. Cela permet de reconstituer un tissu, du moins un micro-tissu. Les enjeux sont importants car il y a une pénurie de donneurs pour les greffes cardiaques. Ici, pour la première fois, cette équipe israélienne a réussi à imprimer et à reconstituer l'anatomie d'un cœur dans sa totalité, avec ses cellules et ses vaisseaux sanguins. Et surtout, il a été conçu à partir de différents types de cellules d'un patient. Et ça aussi, c'est une première. Alors pour que ce cœur soit fonctionnel, il faut encore une dizaine d'années de travail, notamment pour agrandir sa taille. Donc on est encore loin d'une époque où les hôpitaux bio-imprimeront les organes de leurs patients. Jean-Charles Duclos-Vallée est hépatologue et président de l'Institut de biofabrication CellSpace. Il trouve cette étude très encourageante. Le problème, c'est de reconstituer une anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire de reconstituer un dialogue entre les cellules et la matrice. C'est un très beau travail qui permet de travailler et d'étudier la complémentarité entre les cellules et la matrice. Après un bioimpression est quelque chose de fonctionnel. Et ces cellules différenciées, ces cardiomyocytes, donc cellules différenciées cardiaques, à partir de cellules de patients, de cellules indifférenciées qu'on a reprogrammées, et idem pour la matrice. Donc je trouve que c'est une avancée très importante avec la démonstration d'une fonctionnalité. Là, la particularité, c'est que on reproduit quand même une architecture 3D très intéressante cardiaque, une vascularisation cardiaque, et qu'il y a, à partir de même patient, la production de cellules différenciées et de matrices. Donc ça, c'est très intéressant, parce que en plus, c'est du même patient. Donc effectivement, vous vous affranchissez de tout problème d'incompatibilité. Donc vous vous affranchissez effectivement d'une immunodépression après, etc., etc., de problématiques de rejet, bien sûr. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, et dans toutes ces problématiques de bioconstruction, a fortiori après bioimpression, c'est le long terme. Est-ce qu'il y a une viabilité, une dégradation à long terme ? Est-ce qu'il y a un maintien de la différenciation à long terme. Deuxième sujet de ce journal des sciences, une équipe américaine a réussi à obtenir une activité cérébrale dans le cerveau de porcs morts, et ce, 4 heures après leur décès, Natacha. Les résultats sont publiés dans la revue Nature, c'est un travail qui a commencé il y a 8 ans, et c'est un bel exemple de recherche transdisciplinaire, avec un consortium de vétérinaires, de bioinformaticiens, de neurologues, de biologistes. Et cette équipe a récupéré les têtes d'une trentaine de jeunes cochons morts. Après 4 heures de transport, les cerveaux étaient branchés à une pompe et alimentés par du sang artificiel pendant 6 heures. Avec une solution spéciale inventée par les chercheurs. Alors, grande surprise, une activité cellulaire est réapparue, y compris une partie de l'activité neuronale dans l'hippocampe. Alors, pas de signe de reprise de capacité intellectuelle ou de conscience, mais seulement quelques fonctions cellulaires qui se sont remises en route, et c'est déjà un résultat très surprenant. Cela contredit le dogme selon lequel, après avoir manqué d'oxygène, les dommages causés au cerveau sont irréversibles. Alors peut-être avons-nous sous-estimé ces capacités de restauration cellulaire. Pierre-Marie Liédot est directeur du laboratoire Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur. Ils ont montré également que les cellules du système immunitaire, que l'on appelle la microglie, réagissaient. En l'occurrence, ils ont utilisé le LPS, qui est d'ailleurs une solution chimique qui mime l'invasion de bactéries, dans ce qu'on appelle le sepsis dans le corps, et ont montré que ce cerveau réagissait à cette invasion bactérienne. Le système circulatoire s'est également remis en route. Pour les chercheurs, on ne parle pas d'un cerveau qui s'est réveillé. Là, on a des micro-territoires qui se sont mis en activité. Ce qui m'a aussi très étonné dans cette étude, c'était justement la restauration d'une activité synaptique. Ça, c'est quand même une première, oui. Non ? Oui, parce que là, rappelons que la définition profane ou juridique ou médicale du vivant actuellement, elle est basée sur l'activité électrique du cerveau. Cette distinction entre électroencéphalogramme plat ou actif, eh bien, dépend de l'activité électrique des fameux contacts qui relient deux neurones, ce qu'on appelle la synapse. Donc on a quand même ici un grand espoir, non pas de ressusciter globalement un cerveau, mais au moins de mettre tout en œuvre pour que, suite à un AVC, suite à un traumatisme crânien, qu'un processus peut-être de destruction peut être réversé. Et ça, c'est un grand espoir pour les avenirs à venir en matière de stratégie thérapeutique. En bref, l'Organisation mondiale de la santé lance une alerte autour de l'épidémie de rougeole qui s'intensifie dans le monde. En 2019, 170 pays ont signalé plus de 112 000 cas de rougeole. C'est 4 fois plus que l'an dernier à la même période. Alors, ce qui explique ces chiffres, c'est pour les pays riches, ce sont les anti-vaccins. Et pour les pays en développement, c'est le mauvais accès aux soins. Alors, cela concerne l'Afrique, le territoire le plus touché, mais aussi l'Europe et les États-Unis. À Madagascar, depuis septembre, la rougeole a déjà tué plus de 1200 personnes, le plus souvent des enfants. Troisième sujet de ce journal, l'invention d'un nouveau procédé pour générer de l'électricité à partir de flocons de neige. Alors, créer de l'énergie à partir de flocons de neige, ça peut paraître d'abord contre-intuitif, et bien au contraire. La California Nanosystem Institute vient de créer le Snowtang. L'appareil est capable de récupérer l'énergie électrostatique de la neige. Le procédé, c'est celui de l'utilisation de la triboélectricité. La triboélectricité, c'est l'électricité statique qui se crée lorsque des corps se frottent. Alors, utiliser ce phénomène pour récupérer l'énergie, ce n'est pas nouveau, mais avec de la neige, ça c'est novateur. Alors l'étude rappelle que 30% de la planète est recouverte de neige. Ça laisse penser que toute cette superficie va permettre de produire des quantités énormes d'énergie. Mais il ne faut pas se tromper, on n'a pas encore mis la main sur une nouvelle ressource énergétique. Bernard Multon est professeur de génie électrique à l'École normale supérieure de Rennes. Pour lui, l'application de ce procédé reste limitée, mais c'est une preuve de concept. Les flocons de neige sont des particules chargées d'électricité qui ne demandent qu'à transférer leur charge électrique vers autre chose. Donc si vous mettez en face de ces particules chargées un récepteur qui est prêt à échanger des électrons ou des ions, eh bien vous pouvez avoir du courant électrique. Et donc c'est un peu l'idée de la triboélectricité. Le silicone, parmi d'autres matériaux, permet d'avoir justement des charges de surface favorables à ce transfert d'énergie. La neige qui est chargée positivement, libère ses électrons au contact du silicone. Voilà, alors ce sont des densités de puissance extrêmement faibles. On parle d'un maximum de 0,2 milliwatts par mètre carré. Si vous voulez, même par faible éclairement en énergie solaire, à très très faible éclairement, vous avez 1000 fois plus d'énergie récupérable par des procédés photovoltaïques, quoi, dont le rendement n'est pas très élevé. Donc, si vous voulez, les ordres de grandeur sont extrêmement faibles pour faire de la récupération d'énergie. C'est pas pour ça que le procédé n'a aucun intérêt, mais en tout cas, il a aucun intérêt d'un point de vue soutenabilité, développement durable ou production d'énergie ou contribution énergétique. Les interféromètres LIGO et Virgo ont détecté 2 nouvelles ondes gravitationnelles. Depuis le 1er avril, les 3 détecteurs sont synchronisés, ce qui leur permet une meilleure triangulation pour détecter les signaux. La première détection date du 8 avril, la seconde du 12. Elles correspondent chacune à la coalescence de 2 trous noirs. Ces détections vont permettre de mieux comprendre comment les trous noirs se forment. Et pour finir ce journal, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, une étude parue dans Frontiers in Ecology and Evolution montre que chez certaines espèces, eh bien manger ses petits, c'est une forme de protection parentale, voire d'affection presque. Oui, il y a un très grand nombre, ça c'est très répandu dans la nature, un très grand nombre d'animaux qui mangent leur progéniture, les lapins, les ours, les souris, les poules. Et selon ce papier, ce n'est pas une bizarrerie de l'évolution. Alors, pourquoi manger ses bébés? L'hypothèse. Et si le cannibalisme filial permettait d'augmenter la survie de la portée? Et si manger ses rejetons permettait de mieux nourrir et protéger ceux qui restent? Ces chercheurs américains ont donc créé un modèle mathématique pour tester cette hypothèse. Et en effet, le surpeuplement menace la survie de la portée. En réduire la densité, c'est aussi réduire son taux de mortalité. Parents, vous savez ce qu'il vous reste à faire. surtout pas, n'appliquez pas ça chez vous. Éloignez vos enfants du poste. Et puis non, pour conclure ce journal, un petit mot tout de même. Un petit tour dans l'espace vers un petit bout de rocher qui circule entre Mars et Jupiter dans la ceinture d'astéroïdes. Il s'appelait 31-387-1988-YA2. Eh bien, il s'appelle désormais Le Hook, du nom de notre camarade astrophysicien au CEA, Roland Le Hook. Voilà, l'Union Astronomique Internationale vient de valider cette proposition de l'astronome Alain Maury. Il y a donc maintenant un Le Hook qui est en orbite quelque part au fond de l'espace. C'est pas merveilleux? Nous reprenons donc le fil de cette journée spéciale sur l'antenne de France Culture avec la diffusion des émissions qui ont été enregistrées la semaine dernière dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour ce 4e forum, l'année vue par les savoirs, qui était consacré samedi dernier à l'Europe, à un peu plus d'un mois du scrutin européen qui va conduire à renouveler le Parlement pour une durée de 5 ans. Et si aujourd'hui l'échelle européenne est essentielle à la structuration de la recherche, pour autant, à de rares exceptions près, les programmes des différents partis sont quasiment muets sur ce sujet, si on fait exception du financement de la lutte contre le réchauffement climatique ou de la recherche militaire. Alors comment penser la recherche aujourd'hui à l'échelle nationale et européenne? Que peut l'Europe pour la recherche française? Et comment la recherche française se structure-t-elle dans un cadre européen? Nous en parlons aujourd'hui avec Ursula Bassler, directrice de recherche CNRS et présidente du conseil du CERN, Jean-Pierre Bourguignon, président du conseil européen de la recherche, et Jean Chambaz, président de Sorbonne Université et de la Ligue européenne des universités de recherche intensive. Pour commencer, peut-être rapidement, Jean-Pierre Bourguignon, un petit tour d'horizon historique de la façon dont s'est structurée cette recherche européenne, parce que son fonctionnement aujourd'hui est finalement relativement récent à l'échelle de l'Europe. Il est relativement récent, mais surtout parce qu'il y a eu des changements dans les traités. C'est-à-dire que faut toujours penser, quand on pense à la recherche au niveau européen, que d'abord il y a des structures européennes qui ne sont pas dans le contexte de l'Union européenne. Mais l'Union européenne, par exemple, par exemple le CERN, par exemple l'ESA et d'autres structures du même genre, ESO, European Southern Observatory, l'observatoire du Sud avec des télescopes au Chili et quelques autres. Donc ça veut dire que ça ne sont pas des choses, disons, qui sont directement dans l'Union européenne. Mais l'Union européenne, très vite, il y a plus de 30 ans maintenant, a créé un programme cadre pour soutenir la recherche et l'innovation. L'innovation s'est très vite associée à la recherche. Et on en est aujourd'hui au 8e programme cadre qui porte le nom poétique d'Horizon 2020. Le prochain devrait s'appeler Horizon Europe, le 9e, il devrait commencer en 2021. Ces programmes cadres actuellement durent 7 ans, donc c'est des programmes pour lesquels la préparation est une phase très importante, puisqu'une fois qu'on a fixé le cap, les changements deviennent lourds et difficiles. Et ils sont toujours le résultat, comme toujours en Europe, d'un travail conjoint entre la Commission européenne qui doit faire des propositions, ensuite le Parlement Parlement qui doit valider ces propositions ou donner son avis ou proposer des amendements. Et enfin, le Conseil de l'Europe, qui est donc le Conseil des États, qui doit approuver. Et tout ça, ça se termine par une négociation qu'on appelle un trilogue. Alors, ces programmes ont monté en puissance de façon considérable. Le programme actuel représente quand même 8% du budget européen. Donc, c'est pour ça que c'est un tout petit peu étonnant que, dans le contexte de la campagne électorale, ça ne fasse pas lieu de... donne pas lieu à discussion, puisque 8%, c'est significatif. Ça représente combien en monnaie sonore? 77 milliards sur 7 ans, donc 11 milliards par an, donc une somme qui n'est pas négligeable, même si en fait, ça n'est aussi 8% de l'ensemble des dépenses de recherche au niveau européen. Donc ça veut dire qu'entre le secteur privé, qui suivant les pays finance quand même une partie importante de la recherche, et les financements nationaux, le financement européen reste malgré tout un financement relativement petit. Par contre, son impact est, je crois, extrêmement important, parce que il amène la recherche à se structurer d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que si ces programmes ont pour ambition finalement de structurer, de fédérer des énergies, de donner une direction programmatique à la recherche au niveau européen, au niveau de la superstructure européenne. On peut le dire comme ça si on fait attention que programmatique ne veut pas dire qu'on a choisi des objectifs et qu'on s'y tient. Ça fait toujours un peu peur, programmatique en science. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut toujours penser que c'est indispensable, comme tout programme de recherche, d'avoir deux volets. Un volet qui est, d'une certaine façon, comme on dit en anglais, top-down, c'est-à-dire dans lequel on choisit des objectifs prioritaires et on essaye d'organiser le travail autour de ça. Et une approche bottom-up, c'est-à-dire à l'initiative complète des chercheurs. Et c'est vrai que dans le contexte européen, la partie bottom-up était restée un petit peu parent pauvre longtemps, pour des raisons en fait réglementaires, des raisons liées aux traités. Mm-hmm. Les traités ne prévoyaient pas que la recherche soit une responsabilité partagée des pays européens, donc pour lesquels la Commission européenne avait vocation à faire quelque chose. Ça a changé depuis 2007 et c'est là qu'on a pu créer le Conseil européen de la recherche, par exemple, dont j'ai l'honneur de présider, et qui effectivement lui reçoit des projets qui sont complètement l'initiative des chercheurs et leur laisse un espace de totale liberté dans toutes les disciplines. Et tous les chercheurs qui se sont succédés à ce micro savent qu'aujourd'hui, le passage par l'ERC, hein, ce sont ces bourses de financement, effectivement bottom-up, est aujourd'hui un passage classique, traditionnel, important. Et on dit souvent d'ailleurs que l'ERC fonctionne mieux que notre Agence Nationale de la Recherche française. Un mot, Jean-Pierre Bourguignon, rapidement, parce que c'est vrai que quand on pense, pour le grand public en tout cas, Europe plus recherche, il y a deux choses. Donc il y a ces bourses ERC, le financement direct, et puis il y a aussi cette ambition, depuis le traité de Lisbonne, de 3% du PIB consacré à la recherche, qui est une sorte, aujourd'hui on peut le dire, en 2019, 20 ans après, d'échec quasiment complet, puisqu'à part l'Allemagne, personne n'a vraiment réussi à se hisser à ce niveau-là. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a quand même, d'abord, pour l'Allemagne, c'était une incitation extrêmement importante, mais les pays nordiques étaient au-delà de 3% depuis longtemps. Oui, mais certains ont régressé et ont reprogressé, c'est le cas de la Finlande. Et par contre, c'est vrai qu'un nombre de pays reste très en dessous. La France stagne à 2,2-2,3%. Oui. Voilà. Mais dont 0,8% de par public, hein, le reste étant privé. Voilà. C'est toujours important La contribution publique en France n'est pas la plus faible. Quand on compare à d'autres pays, l'Italie est à 1% du PIB et la Roumanie est à 0,2% du PIB. Donc évidemment des disparités considérables d'un pays à l'autre. Et comme je vous ai dit que une grosse partie du budget qui finance la recherche en Europe vient des États, vous imaginez les conséquences. Malgré tout, je pense que ce qui se fait à l'échelle européenne, c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait qu'il y a évidemment de l'argent qui arrive qui permet aux chercheurs de travailler, mais ça a aussi un effet structurant considérable. Je crois qu'une des vertus fondamentales de l'ERC, c'était d'augmenter l'ambition des chercheurs et du coup de rendre l'Europe plus attractive à l'échelle internationale. Et on a maintenant une longue liste de chercheurs qui sont rentrés en Europe parce qu'ils pouvaient avoir un contrat du Conseil européen de la recherche. Alors on reparlera, on reviendra sur ces stratégies Horizon 2020 et Horizon Europe qui va prendre le relais à partir de 2021, des grandes directions que peut donner l'ERC à la recherche européenne. Mais pour nous avons la chance d'être en ligne avec Jean-Yves Le Gall. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Vous êtes président du CNES et président du Conseil de l'Agence Spatiale Européenne. C'est vrai que quand on pense, là aussi, Europe et recherche, en général, il y a deux grands modèles qui reviennent très facilement dans l'esprit du public. C'est l'espace et le CERN, on en parlera tout à l'heure. C'est une sorte aujourd'hui de modèle de la réussite de ce qu'a pu faire l'Europe en termes de fédération, de recherche, de contribution scientifique collective. Oui. Oui, je crois que le programme spatial européen est quand même très très avancé au niveau mondial, puisque on peut dire que l'Europe est la deuxième puissance spatiale après les États-Unis. Alors, en termes de satellites lancés, les Chinois lancent plus que nous, mais je dirais que leurs satellites durent moins longtemps que les nôtres, donc in fine, nous sommes deuxièmes. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cela se fait par le biais de l'Agence spatiale européenne, qui est une agence intergouvernementale qui rassemble 22 États membres, et aussi par le biais de la Commission européenne avec les deux programmes phares que sont Galileo et Copernicus. Galileo, on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, Galileo est en train de supplanter le GPS au niveau mondial parce qu'il est beaucoup plus précis. On est en route vers 1 milliard d'utilisateurs. Il y a encore quelques temps, on disait Galileo, c'est le GPS européen. Je pense que bientôt, on va dire que le GPS, c'est le Galileo américain parce que ça sera Galileo qui sera le plus utilisé. Et donc, ça montre que le spatial en Europe, eh bien, c'est une réalité. C'est la réussite de l'Europe spatiale. L'ESA a été créé, il y a une volonté très forte politique en 1975. Comment, en fait, ce qui est intéressant dans le modèle de l'ESA, c'est comment l'Agence spatiale française, le CNES que vous présidez, s'intègre là-dedans. Quel est le modèle, en fait, entre les agences spatiales nationales, les ambitions de conquête géopolitique de l'espace national et cette superstructure aujourd'hui qui est l'ESA et qui supervise le tout? Je crois que la caractéristique de l'ESA, c'est cette capacité de coopérer. Alors le CNES est un peu un modèle à part parce que en Europe, il n'y a guère qu'une seule grande agence nationale qui est le CNES. Nous avons 2400 collaborateurs, nous avons un budget de 2,4 milliards et les autres États européens ont des organisations différentes. Et donc le CNES développe ses programmes de son côté, tous en coopération européenne ou en coopération internationale. Nous sommes l'État public de recherche spatiale qui a le plus de coopération au niveau mondial, et en même temps, une partie importante de notre budget, à peu près la moitié, va au budget de l'Agence spatiale européenne. Nous sommes de loin le premier contributeur à l'Agence spatiale européenne, et en termes de stratégie, bien sûr, il y a nombre de sujets sur lesquels eh bien, nous pesons très fort, comme d'ailleurs à la Commission européenne. Donc c'est un modèle un peu associatif, où la coopération c'est vraiment le mot-clé, et un modèle, je le répète, qui marche. Parce que alors c'est vrai que on travaille tous ensemble, c'est vrai qu'il y a des débats, mais prenons par exemple le programme des lanceurs, qui est quand même un peu l'emblème de cette coopération spatiale européenne, eh bien la France apporte 50%, donc il faut des discussions pour que les autres États membres apportent aussi 50%, mais au total ça fonctionne, et alors on entend dire ici ou là, dans la presse en particulier, que parfois ces discussions sont longues et sont difficiles, mais d'une certaine façon, c'est le prix à payer pour avoir l'effet démultiplicateur de la coopération européenne. Aujourd'hui, le budget de l'ESA est l'un des rares budgets de la recherche qui augmente significativement d'année en année. Je crois, alors les derniers chiffres que j'ai trouvés, mais je parle sous votre contrôle, hein, Jean-Yves Le Gall, plus de 5 milliards d'euros en 2017, j'ai pas trouvé les chiffres de 2018. Oui, 2018, c'est un peu plus. Il y a une légère augmentation parce que il y a des programmes tout à fait emblématiques et puis parce que l'Agence spatiale européenne aujourd'hui est présente sur tous les segments de l'activité spatiale. Bon, les lanceurs, on en a parlé. La science, le programme scientifique de l'ESA fait l'envie du monde entier. Nous sommes en pointe. Vous vous souvenez de Rosetta Philae, bien sûr. Nous travaillons, nous allons sur Mars. Nous avons un programme sur la Lune. Nous avons lancé depuis Colombo en route vers Mercure. Dans le vol habité, Thomas Pesquet est un astronaute français de l'Agence spatiale européenne, bien sûr. Dans les télécommunications, l'ESA est en pointe et permet à nos industriels d'être au meilleur niveau mondial. Dans le domaine de l'observation de la Terre, Copernicus, un autre programme européen, n'a pas son équivalent au niveau mondial. J'ai parlé de Galileo, une précision remarquable. Donc, nous sommes partout. Une très grande capacité à coopérer, une très grande efficacité aussi. Lorsqu'on compare le budget de l'ESA, qui est de l'ordre d'un peu plus de 5 milliards, au budget des États-Unis, la NASA, c'est plus de 20 milliards de dollars, plus le budget du BOD, eh bien, on voit qu'on est beaucoup plus efficace. Mais je crois que la raison de tout cela, c'est parce que nous avons cette capacité unique à coopérer. Un dernier mot, et on vous libère, Jean-Yves Le Gall. Qu'est-ce qui fait, en fait, aujourd'hui, la contribution de l'Europe, là aussi, je pars sur votre contrôle, est d'1,3 milliard sur l'ensemble du budget de l'ESA. Qu'est-ce qui fait que l'ESA est... Ça a pris, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que c'est cette réussite aujourd'hui qui est effectivement incontestable, vous l'avez rappelé, on l'a entendu. Pourquoi, comment ce modèle a-t-il fonctionné et pourquoi n'est-il pas réplicable ou peut-il l'être sur d'autres types de domaines de recherche? On peut penser à la recherche biomédicale par exemple, dans ce type de secteur qui est très fort en matière d'innovation? Je crois que le succès de l'ESA tient probablement à la volonté politique française et au fait que la France a su développer des grands programmes. Les grands programmes, on a pu penser que c'était un peu suranné, un peu passé de mode, mais je crois que de plus en plus, ça va revenir. Et le fait d'avoir de grands programmes fédérateurs, on sait où on met l'argent et puis on voit des résultats tangibles. Lorsqu'on développe des lanceurs, eh bien, l'Europe spatiale est fière de voir qu'après quelques années de développement, on a des fusées qui décollent. Lorsqu'on développe Galileo, l'Europe spatiale est fière de voir que partout dans le monde, sur un smartphone, on voit Galileo. Donc, des grands programmes fédérateur, ça me semble tout à fait important. Savoir vraiment où on met l'argent et de façon très très concrète, et puis aussi la volonté politique, et la volonté politique en particulier en France, eh bien elle n'a jamais fait défaut depuis le général de Gaulle qui a créé le CNES le 19 décembre 1961, et je dirais qu'au fil du temps elle s'est toujours confirmée. Je cite toujours comme exemple le fait que quelques jours après avoir été élu, Emmanuel Macron est venu au siège du CNES, assister en direct depuis le Kazakhstan, au retour de Thomas Pesquet. Et là aussi, au-delà de l'anecdote et des images à la télévision, c'est très très important parce que ça montre que l'espace, c'est important en France, et après ça se décline partout en Europe. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gall d'avoir été avec nous pour cette émission consacrée à la recherche européenne. Peut-être souhaitez-vous réagir les uns les autres à ce qui vient d'être dit et à ce modèle de l'ESA qui est effectivement assez exemplaire, et on va parler du CERN dans un instant. Ursula Bassler. Oui, effectivement, je pense que le fait de construire des programmes de recherche, de construire des infrastructures à partir desquelles les scientifiques peuvent ensuite travailler pour avoir des données, pour en tirer leurs conclusions, c'est quelque chose qui est extrêmement structurant. Et là, le rôle de l'Europe est clair. Si on ne se met pas ensemble, on n'a pas les moyens de construire les instruments qui sont à la pointe. Jean Chambaz ? Non, j'ai rien à rajouter sur ce point-là. C'est sûr que l'Europe est notre territoire, l'Europe est notre horizon. On a en recherche et vu la sophistication croissante des activités de recherche dans tous les domaines. On dit souvent que les sciences humaines et sociales, ça coûte pas cher. Maintenant qu'ils travaillent sur des données, qu'ils les numérisent, qu'ils les fouillent, qu'il y a des développements d'algorithmes, ils auront les mêmes problèmes d'infrastructure que les autres disciplines. Donc, on a une question de moyens, on a une question de masse critique de chercheurs, on est plus intelligent à réfléchir à plusieurs avec des cultures de formation différentes. Oui, les exemples qui ont été évoqué là depuis le début de l'émission montre que l'Europe est un élément de succès et de dynamisme de la recherche européenne, donc française, ou française, donc européenne. Jean-Pierre Bourguignon, un mot tout de même, et on va parler du CERN dans un instant, qui est l'un des autres fleurons qui nous est envié par le monde entier, mais l'ESA, le CERN, pourquoi est-ce que ces éléments-là ont particulièrement pris? C'est coûteux, ce sont des infrastructures énormes qui demandent des investissements colossaux. Et on a l'impression que dans d'autres domaines, je parlais par exemple du biomédical, qu'aujourd'hui que ces mastodontes du XXe siècle ont du mal à... L'Europe a du mal à reproduire ce type de formule au XXIe siècle, depuis 20 ans, que ces grands programmes, ces flagships, appelez-les comme vous voulez, ils ne prennent pas parce que, quoi, il y a un défaut de volonté politique? Non, je pense qu'il faut regarder la réalité de la science qui est derrière. Pour développer un projet comme le CERN, qui a évidemment eu plusieurs accélérateurs, mais malgré tout, disons, le savoir-faire, on a pu transférer un savoir-faire qui était constitué sur certains projets et les transférer au suivant. Et donc ça, c'est typiquement des projets de très très long terme qui n'existent pas si on n'a pas une constance dans l'action. Pour beaucoup d'autres disciplines, vous prenez le cas du biomédical, l'horizon change quand même extrêmement souvent. Et la notion critique, c'est souvent des équipes beaucoup plus petites, même si évidemment les gens partagent des connaissances, les gens circulent, etc. Donc si vous voulez, il faut faire attention à ce que... Moi, c'est une chose dans mes fonctions que je vois en permanence, c'est la diversité extraordinaire de la pertinence, des structures pertinentes d'une discipline à l'autre. Et il y a des endroits où avec une personne, on peut faire des choses très bien, il y a d'autres endroits, si on n'a pas pour le CERN des équipes de milliers de personnes, on ne fait pas. Donc si vous voulez, il faut faire très attention à que, en fait, à la difficulté de transposer de façon trop mécanique ce qui marche dans un domaine dans l'autre. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas des efforts à construire avec des objectifs de long terme dans un certain nombre de domaines. Simplement, faire attention que très probablement, ça passera pas par une infrastructure qu'on mettra dans un endroit, mais probablement, au contraire, avec une organisation beaucoup plus originale, en réseau intense, en réseau où les gens se forment en échangeant leurs compétences. Donc, il faut faire très attention à des généralisations qui ne tiendraient pas compte de la réalité de l'activité scientifique. Absolument. Jean-Jean-Baptiste, vous approuvez ? Absolument. Mais néanmoins, il y a même dans le biomédical, il y a des infrastructures plus importantes qui se créent, sur lesquelles les gens se fédèrent, les équipements qui deviennent plus chers et qu'on partage et mutualise davantage. Quoi. Et il y a des équipes, des structurations européennes comme les MBL, European Molecular Biology Laboratory, qui est à Heidelberg. Il y a aussi, même chose en bioinformatique, un laboratoire qui est à Cambridge, qui sont des structures européennes. Mais dans lesquels, de la même façon, ça a été vraiment l'organisation d'une coopération très forte de cours, disons, partagés sur le long terme, avec un rôle de formation collective, d'accès à de nouvelles formes de recherche, qui ont joué un rôle déterminant. Mais malgré tout, quand vous regardez les structures de l'EMBL, c'est des structures très plates. Oui, mais là, dans les cas qui sont cités depuis tout à l'heure, ce sont des infrastructures européennes uniques, concentrée, ouverte aux chercheurs européens pour développer des programmes particuliers. L'intérêt du programme cadre et de ses différents piliers, c'est que c'est ouvert à l'ensemble. Programme cadre, c'est Horizon 2020. C'est Horizon 2020, Horizon Europe. C'est ouvert à l'ensemble des communautés scientifiques d'Europe pour travailler en commun sur l'ensemble des sujets. Donc c'est une ouverture beaucoup plus large et qui donne une capacité d'élargissement, comme je disais tout à l'heure, de la masse critique consacrée aux actions qui sont menées. Ursula Bessler, le CERN, donc l'autre fleuron de physique des particules avec ses différents accélérateurs, un projet pour un accélérateur dans quelques années, il y a encore un peu de temps avant de voir les premières particules accélérées dans ce futur accélérateur de 100 km de long. Quelle est la recette du CERN qui fait aujourd'hui ce qu'il est, qu'il a amené aujourd'hui à être vraiment l'image de l'Europe de la recherche mutualisée, fédérée autour d'un même projet. Oh, je pense d'une part, le CERN a vraiment dans ses gènes, avec la création après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée qu'il faut collaborer ensemble, il faut se mettre ensemble, pas uniquement pour avoir les moyens de créer les infrastructures, mais aussi à l'époque, l'idée de reconstruire l'Europe dans une paix durable était très important. Donc il y avait une très forte volonté politique, et c'est sûr, sans une volonté politique, il n'y a rien qui n'avance. Ensuite, effectivement, les structures du CERN, les infrastructures qu'il a créées étaient relativement ouvertes aux personnes, aux collaborations, qui étaient aussi européennes, pour venir travailler, quoi. Et donc les gens se sont assemblés autour des buts communs, tout simplement, quoi. Et on débattu pour trouver des programmes cohérents afin de faire avancer les connaissances, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Des fois, les décisions sont prises aussi dans la douleur, hein. Mais néanmoins, la communauté dans la physique nucléaire et la physique du particule a montré que une fois qu'on a pris la décision, on peut se remettre tous ensemble et construire, quoi. Ouais. Mais vous voyez, ce qu'on entend, ce que vous nous dites là, ou ce que nous disait Jean-Yves Le Gall tout à l'heure, c'est effectivement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique, il y a un temps long, il y a un investissement massif. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé dans une autre époque, dans une autre forme de projection, dans un temps plus court, dans des échéances plus courtes? Quel est aujourd'hui le lien que peut avoir le CR avec justement le renouvellement du Parlement? Est-ce que vous êtes plus acculé à des résultats, quelque chose de plus court-termiste, à montrer justement des applications, du brevet, quelque chose qui soit plus concret pour les représentants nationaux. Mais je pense que vous soulevez une question extrêmement importante et qui est presque mon quotidien, parce que je dois plaider cette cause régulièrement. C'est effectivement le rétrécissement de l'horizon, l'espèce d'exigence de résultats à court terme, qui est une illusion complète. C'est-à-dire que quand on regarde, y compris dans des objets qu'on utilise quotidiennement, le nombre de fois où le schéma qui était, disons, sous-jacent à l'organisation de la recherche dans la fin des 20e siècle, qui était recherche fondamentale, puis application, puis on passe à l'innovation, puis on développe industriellement. Ce schéma est aujourd'hui radicalement faux. Donc c'est un schéma beaucoup plus complexe, avec des courts-circuits, c'est-à-dire des choses fondamentales qui tout de suite donnent des applications, avec aussi de nouveaux modèles économiques qui jouent un rôle très important, qui fait que des choses qui sont induites par la demande provoquent une recherche beaucoup plus rapidement. Et donc si on ne comprend pas qu'il est nécessaire de conjuguer des choses à court terme et des choses à long terme, on va passer complètement à côté des choses essentielles. Donc ça, c'est culturellement une chose qu'il faut absolument faire passer. Et malheureusement, très peu d'hommes politiques ont cette vision, sauf dans les pays asiatiques. Et on voit bien, hein, quand on lit la littérature officielle, que les mots qui reviennent le plus, c'est, je cite, hein, s'attaquer à son véritable problème, c'est-à-dire comment passer de découvertes fondamentales à la commercialisation de produits et de services nouveaux. On ne parle que d'innovation, de brevets, d'industrialisation. Aujourd'hui, c'est la perspective que demandent les représentants du peuple, les différents représentants politiques auxquels vous êtes soumis, Jean Chambaz. Enfin, oui, c'est pas toujours aussi caricatural, mais en tous les cas, c'est vrai que les responsables politiques de nos pays et de l'Europe sont confrontés quand même à la crise que nous connaissons, aux enjeux auxquels doivent faire face le continent et la planète. C'est le développement durable, c'est les problèmes de santé, c'est le vieillissement de la population, c'est le dialogue interculturel et l'acceptation des nouveaux migrants. Le modèle économique, social, politique du continent et des différents pays est remis en cause. Leur mandat est de courte durée, ils attendent des résultats. Donc c'est vrai qu'il y a une formulation, on l'avait déjà eu pour Horizon 2020, un peu moins, on l'a très fortement pour la préparation du prochain programme Horizon Europe, ce qu'ils appellent des missions. Des missions de recherche et d'innovation orientées vers la résolution de problèmes qui parlent aux citoyens. Voilà les termes exacts. Hein. Mais ce qui est assez légitime, nous sommes financés par de l'argent public, nous sommes pour la plupart des institutions publiques, il y a aussi des institutions privées de recherches qui sont très pertinentes, mais et il est normal que nous rendions compte de ce que nous faisons. Donc, il est légitime de la part des politiques d'avoir des missions. Les missions qui sont annoncées pour Horizon Europe, on aurait pu en choisir d'autres, mais il n'y a pas à les critiquer. Il y a le cancer, il y a des océans, des mers, des côtes, des fleuves et des rivières en bonne santé, on voit que c'est large. Il y a des villes intelligentes sans impact sur le climat, pour un continent aussi urbanisé que l'Europe, c'est essentiel. Il y a la santé des sols et l'alimentation. C'est des vrais enjeux pour le développement de l'Europe, et on a intérêt d'ailleurs, je crois, et c'est la position d'un ensemble d'industriels qui sont dans le mouvement de l'industrie 4.0, de considérer que nous sommes plutôt un continent en développement, plutôt qu'un continent ultra développé. On a une crise de développement en Europe. Donc ça, c'est légitime. Mais là où nous devons alerter, c'est que pour être efficace et pour résoudre ces problèmes, on ne change pas la manière de faire de la recherche. La recherche nécessite du temps et de la liberté. Et dans le programme cadre, que ce soit H2020 ou Horizon Europe, la manière dont ça a été défini en trois piliers, un pilier pour l'excellence, un pilier qui est essentiellement l'ERC et le programme Marie-Sodowska-Curie de bourse de post-doctorants et de doctorants, un pilier pour l'innovation et un pilier pour les missions, c'est complètement artificiel. Jean-Pierre Bourguignon ne peut pas le dire ou ne l'a pas encore dit, mais l'impact en transfert de technologie du programme ERC est plus important que celui de tous les autres programmes. Et pourtant, il n'est pas conçu pour ça. Il est bottom-up. Mmh. Mais la question n'est pas tant d'être bottom-up ou top-down. Moi, je ne connais qu'une sorte de recherche. Et je ne fais pas de différence entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche en réponse à la demande sociale. C'est la bonne recherche. C'est la recherche de qualité, c'est la recherche excellente. Et on ne peut pas se compromettre sur l'excellence. Par contre, pour répondre aux besoins, parce que Jean-Pierre l'évoquait, des demandes sociales, des commandes d'entreprises peuvent déboucher sur des programmes de recherche fondamentale. Ce qu'on ne peut pas calculer à l'avance, c'est l'impact que va avoir la recherche. Donc que la société pose aux chercheurs des questions, et des questions qui sont conçues dans des champs aussi larges que ça, qu'on mobilise les chercheurs de différents pays, de différentes disciplines, sur ces problèmes-là et leurs institutions, c'est très bien, mais pour que ça marche, pour que ce soit efficace, il faut leur laisser le temps et la liberté de conduire les recherches comme ils savent qu'ils doivent le faire. Vous faisiez une comparaison entre l'ERC et l'ANR. Je suis pas sûr que l'ANR marche beaucoup plus mal que l'ERC. L'ANR a deux différences. Non mais on fait facilement de la France bashing. L'ANR a deux. On voit le taux de sélection des sujets. On avait fait l'émission complète là-dessus des projets de recherche. Il y a deux différences entre l'ANR et l'ERC. Je crois que dans la loi de programmation pluriannuelle de la recherche que la ministre a fait proposer au gouvernement et sur laquelle on est en train de travailler, il y a peut-être deux choses desquelles il faut s'inspirer pour l'ERC, pour l'ANR. C'est recapitaliser l'ANR très sensiblement pour le taux de... C'est un bel euphémisme. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 5 le budget, quasiment. C'est multiplier largement le budget, mais il y a d'autres modes de financement de la recherche, notamment le mode de financement pérenne des unités de recherche à travers les organismes de recherche et les universités, qui est important aussi. Donc il y a un équilibre à trouver pour tout ça. Et il faut redonner du temps. Souvent, les projets... L'appel à projet compétitif, c'est bien, mais il faut le temps long de leur réalisation. Donc je crois que ce soit le pilier des missions, le pilier des personnes, ce qui est important, c'est redonner le temps et que nous soyons en capacité, mais une fois la recherche effectuée, d'aller jusqu'au bout de son transfert à la société. C'est pas toujours produits manufacturiers. Là encore, je parlais des questions de migration et de cohérence de l'Europe. Il y a de sacrées recherches fondamentales pour les sciences humaines, pour comprendre pourquoi l'Europe et les pays européens qui sont constitués de vagues de migrations successives et qui s'en sont enrichis, aujourd'hui se braquent contre la dernière vague de migration. Ça va amener de la recherche fondamentale et va avoir une application. L'application, ce sera pas sonnant et trabuchant, mais ce sera une meilleure cohésion sociale dans nos différents pays. Donc on voit bien là tout l'espace, et vous aviez raison de dire, c'est les élections européennes de la fin du mois de mai sont absolument décisives, parce que si on a un Parlement où les mouvements populistes sont largement représentés et se rétractent par rapport à cette vision plus prospective du développement de l'Europe, on sera en grande difficulté, parce que la Commission dépendra de la composition du Parlement, et là, oui, on aura du souci à se faire. Ursula Bassler, est-ce que l'heure aujourd'hui, et je reviens sur ces grands modèles que sont le CERN ou l'ESA, est-ce que finalement la structuration de la recherche aujourd'hui, le modèle américain que tout le monde lorgne un peu, ou de Corée du Sud, fait que l'heure n'est plus aux grandes infrastructures, à ces grands projets cyclopéens, titanesques, mais plus à, comme vient de le dire Jean Chambas, comme on l'a entendu dans la programmation, à des projets plus resserrés, plus industrialisés, à des modèles de structuration de la recherche sur quelque chose de l'ordre plus libéral, en petites start-up, où on cherche vraiment à doper au maximum l'innovation au détriment de programmes plus fondamentaux, plus grands ou avec plus d'ampleur. Je pense que ça sera une erreur de tout miser sur des petits programmes, parce que les infrastructures nécessaires à tous les chercheurs, si c'est des petites équipes de recherche ou des plus grandes, sont nécessaires, et ces infrastructures-là, c'est toujours des investissements importants. Et il faut pas oublier non plus que ces infrastructures, c'est des infrastructures de recherche, mais avant tout, c'est des infrastructures. C'est-à-dire, c'est généralement des équipements qui sont construits avec des industriels, très souvent également de très haut niveau. Et si vous regardez les études qui étaient faites sur le retour de ces industriels, de ces collaborations autour des infrastructures de recherche, ils sont extrêmement positifs. Si c'est en astrophysique, si c'est en physique des particules et ainsi de suite. Généralement, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires. Ils donnent toujours comme un argument. Ils sont remotivés, leurs ingénieurs et leurs développeurs. Ils ont augmenté leur productivité. Ils ont changé des fois leur manière de produire. Et je pense qu'on oublie des fois que ces effets-là, justement aussi avec des grands industriels français qu'on connaît, sont en fait très, très positifs, quoi. Et donc, un financement aussi des infrastructures, c'est aussi quelque chose qui est profitable à nos industries locales. Oui, Jean-Pierre Bourguignon. Juste pour dire que, peut-être c'est plus facile pour moi de le dire, c'est que le CERN n'est pas seulement à la pointe de la science, mais il est aussi à la pointe de la technologie. Oui. Pour que le CERN soit un succès, il a fallu des prouesses technologiques absolument incroyables. Et donc ça ne s'est pas fait miraculeusement. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont été capables de faire ces développements, qui ont capables de saisir de ces défis et de les résoudre. Alors, le CERN, ils sont 2500 personnes staff, 80% c'est des ingénieurs hein, et scientifiques technologiques. Hein. Les scientifiques du CERN, ils viennent d'ailleurs, ils ne viennent pas du CERN même. Alors Jean-Pierre Bourguignon, je vais vous reposer la question d'une autre façon. Vous allez voir, très franco-français, ça va faire hurler Jean Chambaz. Est-ce que le rôle de l'Europe aujourd'hui n'est pas précisément dans le contexte de compétition internationale que l'on connaît en termes de géopolitique, c'est-à-dire face à d'autres puissances comme la Chine ou les États-Unis, mais aussi face au secteur privé, on va en reparler, des GAFA qui peuvent déployer une force de frappe financière qui est largement au-dessus des moyens aujourd'hui des États dans le contexte économique qui est le nôtre. Est-ce que le rôle de l'Europe et de l'ERC ne serait pas justement plutôt de protéger les chercheurs, de les mettre à l'abri, de leur permettre de faire leurs recherches, plutôt que de lorgner vers un modèle libéral de micro-start-up, d'innovation, et de pousser pour du brevetage, de l'industrialisation, etc. Mais d'abord, comme je l'ai déjà dit, mais c'est une réalité, c'est vraiment une réalité. Les chercheurs qui soumettent leur projet à l'ERC, ils savent que s'ils proposent pas des projets ambitieux, ils ont aucune chance. Et ça, c'est le bottom up. Ça c'est pour les bourses ERC, mais plus généralement, ils ont toute totale liberté de proposer les choses. Comme Jean Chambaz l'a rappelé tout à l'heure, en fait, c'est faux de croire qu'ils s'intéressent pas au développement possible, parce qu'ils le font spontanément. Donc ça, c'est une réalité. Alors la vraie question, c'est après comment on organise les autres partis, donc qui sont top-down, sur lesquels moi j'ai pas de regard direct, si ce n'est qu'évidemment je me tiens informé, mais je n'ai pas d'influence directe. Et là, c'est là où on retombe sur une chose qui, pour l'Europe, est souvent un problème qu'elle a de la peine à résoudre, c'est que chacun veut sa part. Or, la seule chose qui peut nous permettre pour l'Europe d'être compétitive vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis de d'autres puissances naissantes, vous n'avez pas parlé de l'Inde, mais on aurait pu parler de l'Inde aussi, c'est vraiment si elle joue collectif. C'est-à-dire si brusquement les ambitions européennes transcendent les ambitions nationales. Parce que vous voyez bien qu'à cause de la variété des tailles des pays, après, on peut aller à des choses qui sont microscopiques, où il y a des compétences remarquables dans un pays donné, mais ça ne peut pas être ce qui va déterminer ce qu'on va faire au niveau européen. Donc le vrai enjeu, c'est qu'il y ait une vraie ambition européenne en identifiant quels sont les éléments dans lesquels une présence est indispensable et en se donnant les moyens de la garantir dans la durée. Jean Chambaz l'a rappelé, il n'y a pas de recherche de qualité s'il n'y a pas de recherche de la durée. C'est pour ça que les contrats de l'ERC sont de 5 ans et pas de 2 ans. Parce que ça change complètement la façon de travailler si on a du temps devant soi. On peut être plus ambitieux, on peut vraiment faire des choses différentes. L'autre chose qui n'a pas été dite non plus sur le CERN, c'est vous savez qu'Internet est quand même né des nécessités des chercheurs du CERN. Or, s'il y a une chose qui a... On en a fait l'histoire il n'y a pas très longtemps autour de ce micro. Je veux pas... Le web. Attention. À quel point le web a changé le développement économique du monde entier, l'organisation des sociétés à l'échelle du monde entier. Jean Chambaz. Oui, je crois qu'il ne faut pas opposer recherche et innovation. C'est deux temps nécessaires et c'est deux temps différents et ça a toujours existé. Il est frappant de voir à quel point les grands chercheurs, les grandes figures de la recherche du 19e siècle, du 20e siècle étaient obsédés par le transfert, étaient obsédés par l'innovation. Enfin, Pasteur, il se posait des questions fondamentales, mais il se posait surtout des questions concrètes. Marie Curie, Pierre Curie, de la même manière. Donc, on a pas... Je peux vous dire... Heidelberg, Schrödinger, Einstein, moins. Non mais... on a quand même le GPS aujourd'hui. Mais justement, je viens là-dessus. Donc d'une part, on n'a pas opposé, je pense, recherche et innovation. Et là encore, étant financé par des fonds publics, qu'il y ait un retour sur la société, de quelque nature qu'il soit, par le développement des connaissances, par la transmission des connaissances, par la formation des générations futures, ou par un retour direct, c'est important. Là où je suis d'accord avec ce que vous avez, avec la critique que vous formulez contre... Je ne fais que poser des questions, je ne fais qu'interroger le modèle. Que vous transmettez sur le discours dominant, c'est la sacralisation actuelle de la start-up. Ça peut être fantastique, on a des chercheurs start-upeurs qui sont extraordinaires, il y en a d'autres que ça n'intéresse pas et c'est très bien comme ça. Moi, je ne sais pas si la start-up est toujours la meilleure solution. D'abord parce que nous, on a une culture en Europe et surtout en France où on a tendance à maintenir en survie des startups trop longtemps, parce que avant qu'une startup réussisse, il y en a plusieurs qui échouent. Mais la licence à des PME ou à des SMI serait tout aussi intéressante pour le développement économique du pays. C'est-à-dire qu'un transfert de recherche aille vers une PME, lui permette de faire un saut qualitatif et d'embaucher d'emblée 100, 200, 300 personnes, ça peut être plus intéressant pour l'économie et le développement de l'Europe que de créer une nouvelle startup. Ursula Wessler. C'était Heisenberg, hein, Heidelberg, c'est la fac, je me suis emmêlé pinceau. C'est mon partenaire. Je voulais revenir sur quelque chose que Jean-Pierre Bourguignon vient de dire, c'est-à-dire la mise en commun des moyens, quoi. Et si vous disiez tout à l'heure quelle est la recette du succès du CERN, je pense le fait justement que le budget est donné par les États de manière récurrente sans avoir un retour très précis de combien va dans chaque État garanti est vraiment une des raisons du succès, quoi, parce que ça permet d'avoir une liberté pour prendre les meilleurs choix technologiques tels qu'ils se présentent. Et sans cela, je pense qu'on ne peut pas avancer. Et ça, c'est vrai aussi pour l'Europe dans son ensemble. On voit d'ailleurs d'autres infrastructures où l'organisation est différente, qui patinent beaucoup plus, parce que le partage est plus compliqué, en fait, si chacun doit trouver son intérêt à petite échelle. Je vous interromps, Jean-Chambas, parce que j'aimerais qu'on parle tout de même aussi un peu, et avec vous notamment, des universités, de la recherche, de l'enseignement supérieur, et de la question du dimensionnement de ces universités, du dimensionnement et de la nature européenne. Il y a des pôles... Oui, allez-y. J'allais y venir, mais faites-moi confiance. Mais d'abord, non, mais dans la suite de ce qu'a dit Marianne, un des enjeux qu'on a... Ursula, pardon. Il y a plusieurs Wessler, donc excusez-moi Ursula. Mais la manière dont s'est posé le débat sur le budget d'Horizon Europe au Parlement européen et en Europe et avec les États ces derniers mois cette bataille n'est pas finie. Il y a un déséquilibre évident du retour des investissements de recherche européenne entre les différentes régions d'Europe. Et donc, il y a un certain nombre d'États, et c'était porté notamment par un parlementaire européen, Dan Nica, issu de Roumanie, qui était pour réduire d'abord le budget de l'ERC, qui serait catastrophique, parce que c'est quand même le fleuron qui démontre l'intérêt du niveau européen de la recherche, et qui était aussi pour dire il fallait d'autres critères, pas simplement l'excellence de la recherche. Or, si on veut être pertinent dans les résultats, faut quand même être au meilleur des capacités de découverte. Mais c'était une meilleure distribution, sans du tout re-questionner l'investissement des États et de l'ensemble des États européens dans la recherche. Jean-Pierre l'a rappelé tout à l'heure, 90% du budget de la recherche au niveau européen est national, et donc on a un objet, mais c'est un objet pour le Conseil des chefs d'État européens, de mieux articuler les politiques nationales avec la politique européenne, et que ce soit plus cohérent. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un retour et une circulation des chercheurs dans l'ensemble de l'Europe. L'Europe est un continent qui doit se développer globalement, mais c'est une circulation qui doit se rassurer par l'élévation du niveau de qualité dans les pays qui sont encore en difficulté ou les institutions qui sont encore en difficulté et pas le contraire. Alors pour en venir aux universités justement, maintenant. Justement, aux universités, à la circulation des chercheurs, mais aussi des étudiants. Oui, mais l'ERC, le programme Marie Curie, s'intéresse aux individus. Et c'est-à-dire une des caractéristiques des programmes cadres européens pour la recherche. Soit on s'intéresse aux individus, aux chercheurs, comme... s'ils étaient seuls, s'ils n'avaient pas une équipe autour d'eux, et sinon à des réseaux. Et on oublie les institutions. Et nous, les universités européennes, et particulièrement les universités européennes de recherche, on se sent assez frustrés par l'organisation de l'Europe en silo, l'enseignement supérieur d'un côté, qui est d'ailleurs pas une compétence européenne, la recherche de l'autre, des programmes par grand secteur industriel ou économique par ailleurs. Or, nous marchons sur quatre pattes. Nous avons la recherche, l'innovation, l'éducation et le service à la société. Nous formons des milliers, des dizaines de milliers de cadres et d'experts pour l'économie de l'Europe de demain, adossés à une formation par la recherche. Et donc on a besoin de programmes qui nous soutiennent. On parlait de l'innovation tout à l'heure. Il faut pas embêter les chercheurs avec ce problème-là. Ceux qui veulent être entrepreneurs à partir de leur découverte, il faut qu'on les y aide, il faut qu'on facilite leur fluidité de passage entre une recherche académique et leur entreprise, qu'il n'y ait pas d'obstacle bureaucratique pour ça. Mais pour ceux qui n'en ont pas envie, parce que ce qu'ils intéressent, c'est faire de la recherche, ils sont intéressés à son transfert à la société, mais ils ne s'en sentent pas ni l'appétence, ni les capacités, c'est la responsabilité des universités, c'est la responsabilité des institutions, des organismes de recherche, des universités de recherche, assurer ce transfert. Et là, il manque un instrument au niveau européen qui est un appui aux universités de recherche en tant que intégrateurs d'écosystèmes d'innovation. Et là, c'est une responsabilité qu'on veut assumer. En France, grâce au programme d'investissement d'avenir, grâce à l'engagement du gouvernement, on a progressé dans cette voie-là. Il faut qu'on aille plus loin, qu'on simplifie davantage. Il faut que ce soit porté au niveau européen. C'est intéressant parce que vous dites on forme des dizaines de milliers d'experts, de jeunes qui vont devenir des experts pour l'économie de demain. On voit, Jean-Pierre Bourguignon, dans la littérature officielle aussi, que pour parler aux représentants, aux élus, aux parlementaires, il faut leur dire, ah ben tenez, si vous mettez tant, ça va vous faire tant de points de PIB. On entend aujourd'hui la recherche comme juste une simple structure de soutènement de l'économie? Oui, mais ça, c'est une analyse qui, évidemment, est battue en brèche dès qu'on regarde la réalité de la situation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a ces retombées et qu'on peut les numériser, à condition qu'on dise pas que l'horizon, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Donc, parce que certains, c'est effectivement, il y a des courts-circuits, on peut avoir des retombées rapidement, mais il y en a beaucoup d'autres où c'est beaucoup plus long, en particulier toutes les fois où la recherche a apporté des changements de paradigme. Quand on regarde ce qu'est aujourd'hui la recherche biomédicale à partir des recherches sur les découvertes de l'ADN, l'ARN, etc., on voit bien que c'est radicalement différent et c'est quand même une perspective théorique qui a changé complètement le paysage. Ça ne veut pas du tout dire que la médecine n'existait pas avant. Bien sûr qu'elle existait. On est devant une nouvelle transformation qui est absolument essentielle et qui marie la médecine avec la discipline de Jean-Pierre. Qu'il faut aller vers la médecine personnalisée face au vieillissement des populations européennes et du développement des maladies chroniques, maintenir les personnes à domicile, développer leur autonomie, c'est donc tout le développement de l'utilisation de l'intelligence artificielle, de la science des données au service d'un diagnostic plus précis, d'une thérapeutique plus adaptée et d'une surveillance à distance des patients. Donc ça va transformer complètement les modes de pensée, les modes de réflexion. C'est là où aussi on a besoin de la contribution des scientifiques de sciences humaines et sociales, parce que on l'a bien vu dans les mouvements récents en France et ailleurs, que ce qui bloque quand on prend des mesures aussi modestes soient-elles pour essayer de répondre aux défis d'aujourd'hui, c'est l'acceptation sociale et l'acceptation individuelle. On le sait, moi, je travaillais avant d'être président de l'université dans le domaine du cardiométabolisme. Bien sûr que trouver de nouveaux gènes de susceptibilité supplémentaires, c'est bien. Mais on sait en gros que si on mange sainement, si on ne boit pas trop, si on ne fume pas et si on fait de l'exercice, ça va. Regardez ma ligne. Donc c'est bien une question de comportement, c'est une question de compréhension, d'acceptation par l'individu et la société. Pour revenir un peu à ma marotte depuis le début de cette émission, on a souvent dit que justement le prochain CERN, le prochain ESA, le prochain Moonshot, le prochain flagship, le prochain projet Apollo, appelé comme vous voulez, serait justement dans le domaine du biomédical. On a dit que on pourrait peut-être trouver à un moment donné, se réunir, mettre justement une sorte de programmation en disant on va réussir à se débarrasser d'Alzheimer par exemple. Le résultat, c'est le Human Brain Project qui est, on peut dire, pas complètement convaincant, ni sur sa structure, ni sur ses résultats. Ça veut dire que l'Europe n'a plus les moyens. C'est une manière de dire. Oui, bah. Non, mais c'est parce que probablement c'était mal pensé et que c'est pas ça la solution. La solution, c'est de mobiliser les ressources des chercheurs, des différentes institutions, des différents pays d'Europe. L'intérêt de l'échelle européenne aussi, c'est d'avoir des cohortes de patients beaucoup ou de sujets beaucoup plus importantes dans des contextes économiques et culturels différents. Donc en retirant beaucoup plus d'informations de ces études comparées et on va pas se débarrasser de l'Alzheimer ou du cancer comme ça. Et c'est une approche globale. Il faut évidemment travailler sur la santé humaine, mais si on travaille pas sur la qualité de l'environnement, sur la soutenabilité, sur l'adaptation au changement climatique, la santé humaine, elle s'en portera pas bien pour autant si on travaille pas sur la qualité de l'océan. Donc tout ça, c'est les missions telles qu'elles sont annoncées au niveau européen ne sont en rien choquantes, c'est les problèmes qui nous motivent et qui nous intéressent. Simplement, pour être efficaces, nous, institutions, chercheurs, pour y apporter des réponses, il faut qu'on soit libre et qu'on ait le temps d'exercer notre recherche. Un dernier mot de conclusion chacun, est-ce que ces élections à venir peuvent changer quelque chose pour la programmation de la recherche européenne, ou est-ce que finalement cette recherche aujourd'hui elle est suffisamment indépendante pour réussir à faire le gros dos et passer un Parlement qui lui serait moins favorable, Jean-Pierre Bourguignon? Bah écoutez, comme je fréquente le Parlement européen avec une certaine assiduité, moi je dois dire que ce Parlement contient un certain nombre d'éléments actuels, mais j'imagine que le futur sera la même chose, des gens de très grande qualité, et donc c'est ça qui est décisif pour nous, c'est que parmi les élus au Parlement, il y a un ensemble de gens qui comprennent ces enjeux et qui les assument ce que ça veut dire dans leur fonction politique. Ursula Bassler. Et je pense aussi que sans un soutien quand même politique, la recherche européenne va pas se développer à la mesure des défis qu'elle a devant elle, quoi. Parce qu'on n'est pas tout seul sur la Terre. Et si l'Europe veut garder sa place, pas juste au niveau scientifique, mais aussi au niveau de la qualité de vie, de l'éducation et ainsi de suite, il faut quand même que l'Europe soit forte et qu'elle soutienne sa recherche. Jean Chambaz, en un mot. Oui, la recherche n'est pas un champ isolé, un champ indépendant. C'est une des clés de l'avenir de l'Europe et d'un avenir enthousiasmant et de progrès de l'Europe. Et on a besoin d'un Parlement fort qui soutienne. Mais si les résultats aux élections, si les gens ne se mobilisaient pas pour ces élections-là, oui, la recherche et nos activités pourrait être compromise par le résultat des élections européennes, c'est certain. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Ursula Bassler, Jean-Pierre Bourguignon, Jean Chambaz d'être venus nous parler de la recherche au niveau de l'Europe. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Alain Joubert aujourd'hui à la technique. Dans les prochains épisodes de La Méthode Scientifique, lundi, nous parlerons de l'épilepsie, mardi de bioacoustique ou comment l'effondrement de la biodiversité peut s'écouter. Mercredi, il sera question des îles artificielles, jeudi de l'art pariétal et puis sera un vendredi actualité des sciences et de la recherche. C'est une semaine qui vous sera présentée par le camarade Antoine Beauchamp. Demain, vous retrouverez Étienne Klein. Les savants cachent-ils trop leurs émotions? C'est la question de son émission La Conversation Scientifique à 16h sur France Culture. Nous, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.